Chapitre 2e. 8 jours après la scène que je viens de décrire, à l'heure où le soleil arrive à son déclin, un jeune homme, se frayant à grand-peine un passage à travers les maquis, descendait le versant d'une des montagnes les plus élevées de Kania. Quoiqu'il portât fièrement son fusil sur l'épaule, et qu'à son air résolu on devina qu'il devait convenablement s'en servir au besoin, l'altération de ses traits et le désordre qui régnait dans son costume trahissaient une grande fatigue. En cet endroit, la chaîne de montagnes se partageait en deux et formait une gorge assez étroite, coupée elle-même de distance en distance par des ravins, au fond desquels bouillonnaient les torrents souterrains échappés au lit de la mer. Le sol tapissé de mousse et de thym sauvage contrastait remarquablement avec les hautes cimes qui l'entouraient de toutes parts. Un poète amateur du pittoresque, un peintre à l'âme enthousiaste, serait frappé d'admiration en face de ces rochers accessibles seulement aux aigles et aux moufolis, devant ces crêtes majestueuses qui, disparaissant sous des forêts de châtaigniers, offrent à l'œil l'image d'ombres éternelles, tandis que d'autres, hérissés de rocs menaçants, montrent leurs flancs de tulle, de falins et d'argile, sur lesquels poussent à grand-peine quelques buissons étiolés de myrtes et de génévriers. De loin en loin, semblables à des monuments tumulaires, s'élèvent de hautes pierres fossiles, des colonnes informes de marbre ou de granit. Le mélèze les abrite de ses mélancoliques rameaux, et la blanche feuille du bouleau, détachée par la brise, vient comme une âme échappée de la tombe s'y reposer sans bruit. L'homme au fusil n'était sans doute ni poète amateur, ni peintre enthousiaste de ces beautés sauvages, car sans souci du magnifique spectacle qu'il avait sous les yeux, à peine arrivé au bas de la montagne, il se jeta d'un air découragé au pied d'un gros liège, avala quelques gouttes de la liqueur contenue dans une gourde pendue à son côté et tomba dans une rêverie soucieuse et méditative. Cependant, le soleil descendait rapidement derrière les montagnes. La fleur du rhododendron suspendue au fond des rochers ouvrait silencieusement son calice pour recevoir la rosée des nuits. Les insectes se cachaient sous les hautes herbes et la gazelle, enhardie par la naissante obscurité, montrait curieusement sa tête au-dessus de l'abîme. Tout se taisait peu à peu. La nature recueillie semblait s'incliner avec respect devant l'heure solennelle où le roi de la terre, vêtu de pourpre et d'or, va sur d'autres rives porter ses brûlants baisers. Nul chant de pâtre répété par l'écho, nul son de trompe rassemblant les troupeaux dispersés. Parfois seulement le bruit du caillou roulant au fond du torrent, le vol rapide de l'oiseau de proie poursuivant la victime attardée hors du nid. Si de violentes clameurs arrachent l'homme à ses rêveries, le même effet se produit souvent lorsqu'un profond silence règne autour de lui. La pensée, lasse d'errer au hasard dans un vague non interrompu, reflue avec force vers le cerveau, ramenant ainsi le penseur aux réalités de la vie. Une de ces réactions involontaires se fit sans doute sentir au jeune voyageur, car relevant tout à coup sa tête depuis longtemps appesantie, il passa plusieurs fois la main sur son front, prêta l'oreille avec attention, regardant dans l'espace avec des yeux allumés d'une ardeur fiévreuse et colère. Mais tout semblait mort dans ce lieu solitaire. L'inconnu fit un geste d'impatience. « Encore un jour de perdu » murmura-t-il. Dans ce moment, les ombres détachant leur dernier voile les étendaient sur la terre. Les ténèbres s'obscurcissaient. Les objets s'effaçaient un à un, et bientôt on ne distingua plus, se perdant dans l'azur foncé du firmament, que la tête gigantesque de la montagne sur laquelle la nuit posait une couronne d'étoiles d'or. Alors la fatigue et le besoin du repos l'emportèrent sur les préoccupations de l'étranger. « Dormons, » dit-il, « et puisse le soleil de demain ne point se coucher pour tout le monde. » Une nuit passée en plein air est presque coutume chez l'habitant des montagnes. Le nôtre eut donc bientôt fait ses préparatifs. Étendu sous l'arbre, dont les racines lui servaient de chevet, son fusil couché près de lui, le sommeil ne tarda pas à lui verser l'oubli de tous les maux. Vers minuit, l'obscurité de la vallée commença à diminuer. La lune montait progressivement derrière la forêt de châtaigniers, répandant sur le paysage cette teinte mélancolique dont nul pinceau n'a jamais su rendre l'effet attendrissant. À ces lueurs mystérieuses, la nature sembla s'éveiller un instant. Les plantes, les herbes penchées, se relevèrent à demi toutes couvertes de perles et de diamants, et du haut des monts, les blanches vapeurs arrachées à la terre descendaient bondissantes comme un troupeau dispersé. Tout à coup, au milieu de cette silencieuse fantasmagorie, sur un pic où peut-être le pied du chamois n'avait jamais osé se poser, une silhouette humaine se dessina à la douteuse clarté du ciel. Par quel chemin ce nouveau personnage était-il arrivé? C'est ce que nul n'aurait pu dire. Au reste, en voyant avec quelle sûreté de lui-même il se mit à descendre, on devinait facilement que les routes les plus sauvages devaient lui être familières. Frappant à l'avance de la crosse de son fusil chaque fragment du roc, chaque racine surgissant du sol, il y posait un pied, puis l'autre, avec une adresse et une légèreté que le péril de ces lieux rendait presque surnaturel. Le petit sifflotement qui passait en mesure cadencée à travers les dents de ce hardi marcheur dénotait d'ailleurs le profond mépris que lui inspiraient les dangers sans cesse renaissant sous ses pas. C'était un homme qui avait déjà dépassé la première jeunesse, de taille moyenne, trapu avec de larges épaules. Sa figure brune et basanée se confondait avec sa barbe et ses épais sourcils noirs. Autour de sa tête, une abondante chevelure dépassait son haut bonnet en pointe et venait retomber sur son front. La seule chose qu'on distingua au milieu de ce visage sombre était les yeux. La férocité, l'ironie et la ruse qui les animaient leur donnaient une expression difficile à décrire. Chatoyantes, d'un brun orangé, leurs prunelles brillaient dans l'obscurité comme celles du hibou. Ce nouveau personnage allait franchir le dernier espace qui le séparait de la vallée lorsqu'il s'arrêta subitement, fit un ressaut en arrière, cherchant du regard dans l'ombre où était l'ennemi que son instinct venait de lui faire pressentir. La lune, qui dans cet instant dépassait la cime des arbres, envoya un de ses rayons sous le gros liège. La batterie du fusil gisant sur le sol refléta la lumière. C'en était assez, l'ours savait où était le chasseur. Un sourire sardonique effleura les lèvres du montagnard. Rapide comme la flèche, silencieux comme l'ombre, en deux bonds, il fut auprès du dormeur. Alors commença une veille étrange, inouïe, une veille fantastique à nul autre pareil. Un genou en terre, le bout de son fusil effleurant les cheveux de son adversaire, le doigt sur la détente, notre homme s'immobilisa dans cette posture. 5 heures s'écoulèrent ainsi, pas un geste, pas un mouvement, pas un tressaillement des muscles. Sourd aux mille bruits de la nuit, rien ne pouvait le distraire. Sa vie à lui, c'était cette proie endormie dont il attendait le réveil. Enfin, la brise qui rafraîchissait, le brouillard qui remontait vers le haut des montagnes, annoncèrent leur tour du jour. L'aube se levait, jetant comme un transparent linceul ses teintes bleuâtres et blafardes sur le tableau que je viens de décrire. C'était un spectacle sinistre. Cette tête belle et jeune, qu'allait sans doute frapper une balle meurtrière, ses longues paupières abaissées, qui peut-être ne se relèveraient jamais, ce gardien farouche, qui semblait n'attendre qu'une première lueur pour mieux guider ses coups, la mort était là, violente, hideuse, instantanée, inévitable. Dans le faîte de l'arbre, un rouge-gorge avait son nid. L'oiseau parti. Il allait, lui, au-devant de la vie, au-devant du soleil. Son vol joyeux éveilla le dormeur. Il ouvrit les yeux, se leva droit comme un corps galvanisé, chercha son arme. Elle lui avait été enlevée. Un cri de rage ébranla la vallée. L'homme était resté à genoux. Le bout de son fusil remonta en l'air. À quelques pas en arrière reposait celui de son ennemi. « Pietro Santo !» avait crié ce dernier. « Tu ne m'attendais pas de si bon matin, Antonio ?» répondit le bandit en ricanant. « J'aime à trouver les gens au lit, moi, que veux-tu »« Rendez-moi mon fusil, Santo !» dit Antonio d'une voix pleine de fureur. « C'est une lâcheté que de désarmer un homme pendant son sommeil. »« Oh bon !» répliqua doucement Pietro Santo, et de sa main herculéenne, il détournait la main d'Antonio qui cherchait à ressaisir son fusil. Voyant que les moyens violents étaient hors de propos dans la position où il se trouvait, le jeune homme tenta une autre voie d'accommodement. « Voilà 8 jours que je vous cherche, Santo, » dit-il. « Ou que tu me guettes, mon garçon, » riposta le bandit d'un ton plaisant. « Qu'importe, pourvu que je vous rencontre, » dit Antonio, qui sembla ne pas comprendre le sens caché sous la phrase de Santo. « Oui, oui, puisque tu me rencontres, » répliqua le brigand en appuyant sur ce mot. et que je suis possesseur de ton fusil. Joli fusil, ma foi, ajouta-t-il en se relevant et en faisant sauter l'arme dans sa main, léger comme la plume d'un aigle. Voulez-vous causer, Santo ? Demanda Antonio avec impatience. Tant que tu voudras, mon garçon, jusqu'à midi, heure à laquelle j'ai un rendez-vous. Antonio frémit. Il songeait à ce que lui avait conté Angeluccia des exigences de ce misérable. En 8 jours, il pouvait s'être passé bien des choses. Un rendez-vous, répéta-t-il. Avec le receveur de Talano, répondit Santo. Il vous attend. Comme les receveurs attendent les braves gens de ma sorte, dit le brigand avec ce rire sardonique qui ne le quittait que rarement. Mais basta, ce sont mes affaires, non les tiennes. Tout en parlant, Pietro Santo ne perdait pas un instant de vue le jeune homme. Seulement, il avait remis son fusil sur son épaule, tenant celui d'Antonio couché sous ses 2 pieds de fer. Allons, viens ici, mon garçon, reprit-il. Assieds-toi sur ce tas de mousse. À ton âge, on aime encore ses aises. Quant à moi, qui fais souvent mon lit sur un quartier de roche, cette pierre me suffira. Dieu me donne. C'est la sœur jumelle de celle qui recouvre le corps de mon frère tué par le gentil Giovanni Robalini. Une sueur froide inonda le corps d'Antonio. Toute la vengeance du bandit était dans cette odieuse plaisanterie. Vous vous êtes suffisamment vengé depuis ce temps, Santo, et voilà l'instant arrivé où il faut que cela finisse. Pourquoi ? Puisque le vieux Giuseppe a encore un enfant, dit froidement Pietro Santo. Une femme ! S'écria Antonio. Ce sont les femmes qui font les garçons. Vous savez que pour acheter la vie de sa fille, Giuseppe Robalini a vendu jusqu'à son dernier cep de vigne. Maintenant, il lui reste à peine de quoi manger du pain. Que voulez-vous qu'il vous donne ? Angeluccia est belle, dit Pietro Santo avec un regard cynique. Le pauvre Antonio se sentait mourir. L'idée que celle qu'il aimait et vénérait était profanée par la pensée de cet homme odieux lui donnait des vertiges, mais il fallait se contraindre avec un pareil scélérat. J'aime Angeluccia et je dois en faire ma femme, reprit le jeune homme avec dignité. Alors notre affaire est bonne, ton père est riche, il payera pour Robalini. Mon père payera, si vos exigences ne vont pas toujours croissant, répondit Antonio. C'est donc pour conclure un marché que je vous cherche depuis 8 jours. Je viens vous offrir de l'argent. À défaut de plomb, répliqua Santo en frappant le fusil de ses souliers. Passons là-dessus, j'accepte. Quelle somme exigez-vous une fois payé pour renoncer à toute tentative de vengeance ? Demanda Antonio. Et quelle garantie aurons-nous que vous tiendrez fidèlement votre promesse ? Et ma parole ? Dit Santo en relevant insolemment la tête. Je ne pense pas que personne puisse dire m'y avoir jamais vu manquer. Cela était vrai. Pietro Santo volait, tuait, mais ne mentait jamais. Fixez la somme, reprit Antonio. Santo réfléchit quelques instants, puis nomma un chiffre qui arracha une acclamation de surprise à Antonio. « Toute la fortune de mon père n'atteint pas ce que vous demandez, » dit-il. « Alors n'en parlons plus. Angeluccia est une bonne fille, et elle se sacrifiera pour sauver son père. » Le bandit savait bien où il frappait. « Et vous tuerez Angeluccia ? » s'écria Antonio en tordant de fureur ses bras désarmés. « Vous l'assassinerez ?»« Savoir, » dit tranquillement Santo, en amorçant son fusil de nouveau. La patience d'Antonio s'épuisait. Il n'avait qu'un désir, celui d'étouffer de ses propres mains le misérable qui semblait se faire un jeu de son désespoir. Peut-être allait-il s'exposer à une mort certaine en s'élançant sur Pietro Santo lorsqu'une idée soudaine traversa son esprit. Cherchant à reprendre du calme, il se rapprocha du bandit dont le fusil était toujours braqué sur lui. « Allons, Santo !» dit-il en s'efforçant de sourire. « Soyez raisonnable et vendez-moi mon bonheur un peu moins cher. Je vous promets, à titre d'échange, un pâté rien n'avé le jour de mon mariage. » Le bandit souleva son bonnet avec respect. « Voilà la première parole que tu prononces depuis que nous sommes ensemble, » dit-il d'un air soucieux. « Va, pour le pâté et pour l'avé, je ferai un sacrifice. »« De combien ?» demanda le jeune homme. « La moitié de la somme, » répondit le brigand. Antonio fit un geste de joie. « À condition que toi et ton père vous vous engagerez à me tenir compte de l'autre moitié l'année prochaine, » ajouta Santo. Antonio vit bien que l'affaire ne pourrait s'arranger à l'amiable. « Au lieu de 2 paiements, partagez-les en 3, » dit-il. Pietro Santo regarda le jeune homme d'un air défiant. « Tu diras donc un 3e ave, » répliqua-t-il. « Tenez, Santo, dit Antonio, terminons-la. Je vais vous donner du papier et un crayon. Vous savez assez écrire pour inscrire vous-même vos conditions. Je les porterai à mon père, qui les ratifiera. Dans 3 jours, vous aurez ma réponse. » « Si tu n'étais pas amoureux, je croirais que tu me tends un piège pour échapper de mes mains, » dit Pietro Santo. « Mais je ne crains rien. Angelo Chia est là, qui répond de tout. Donne ton papier. » L'appât du gain l'emportait sur la prudence. Antonio était devenu très pâle. En trouvant le devant de sa veste, il plongea la main comme pour y chercher le papier et le crayon nécessaire à Santo. Un petit bruit sec, métallique, presque imperceptible, passa dans l'air. Le bandit fit un geste effrayant, secoua sa large manche, agita précipitamment ses doigts. Une branche sèche tomba du haut de l'arbre. Pietro Santo était rassuré. « C'est du bois mort, » dit-il en se baissant pour ramasser la branche. Dans ce moment, la balle d'un pistolet lui traversa la gorge. Le bandit ne tomba pas. Antonio restait glacé d'horreur à la vue du sang qui jaillissait sur lui. « Traître !» s'écria Pietro Santo. « Angeluccia !» murmura Antonio. Le poignard du bandit le clouait au sol. Quelques jours après cette matinée funèbre, un berger, à la recherche de ses brebis égarées, aperçut un cadavre gisant au fond de la vallée. C'était celui du pauvre Antonio. Les 3 branches de cuivre qui surmontent le fer de l'arme terrible, restées plantées dans son sein, lui servaient de croix funéraire. On ne retrouva point le corps de Pietro Santo. Mais personne ne douta de sa mort. Elle seule avait pu faire abandonner au bandit son fidèle poignard. L'herbe foulée, les pierres rougies au bord du torrent, tout porta d'ailleurs à croire que, près d'expirer et après des efforts surhumains, cet homme aussi énergique que cruel avait voulu dérober jusqu'à sa dépouille à la main de la justice. Il s'était précipité dans le gouffre. Angeluccia resta fille, mais les 5 fils de Giuseppe Robalini étaient vengés. « Mon poignard, monsieur !» « Mon poignard, monsieur, est le poignard de Pietro Santo. Singulière destinée que la sienne, il sert aujourd'hui de couteau à papier. » Ainsi s'achève « Simple histoire d'un poignard corse » de Marie de Lépinay.